Section 29. De Essai sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Premier discours, deuxième partie. Suite. Le Sénat partagea l'abaissement des légions. Rome ne vit presque plus ses empereurs. Ils résidèrent à Trèves, à Milan, à Nicomédie, et bientôt à Constantinople. Dioclétien modela sa cour sur celle du grand roi. Il se donna le surnom de Jupiter. Au lieu de la couronne de laurier, il ceignit le diadème et ajouta au manteau de pourpre la robe d'or et de soie. Des officiers du palais de diverses sortes et partagés en diverses écoles furent constitués. Les eunuques avaient la garde intérieure des appartements. Quiconque était introduit devant l'empereur se prosternait et adorait. Les successeurs de Dioclétien, et peut-être lui-même, se firent appeler « votre éternité » et ils vécurent un jour. Sachez néanmoins que les empereurs s'arrogèrent ce titre par une espèce de droit d'héritage. Rome se surnommait la ville éternelle, le peuple romain avait vu dans l'immutabilité du dieu terme le présage de la durée de sa puissance. En usurpant les pouvoirs politiques, les despotes usurpèrent aussi les forces religieuses. Toutefois, cette transmission du sort de l'espèce au destin de l'individu n'était qu'une fausseté impie. Les nations qui changent de mœurs, de lois, de noms, de sang, ne meurent point, il est vrai, mais est-il rien de plus vite et de plus mortel que l'homme? Ce ne fut guère que 6 ans après l'association de Maximien à l'Empire que Dioclétien s'adjoignit les deux Césars, Galerius et Constance. On vit dans les Gaules, sous le nom de Bagaudes, une insurrection de paysans assez semblable à celles qui éclatèrent en France dans le Moyen-Âge. Olianus et Amandus, chefs de ces paysans, prirent la pourpre. Leurs médailles nous sont parvenues, moins comme une preuve historique du pouvoir d'un maître que comme un monument de la liberté. On a cru qu'Olianus et Amandus étaient chrétiens. Maximien soumit ces hommes rustiques, dont le nom reparut au 5e siècle. Salvien, à cette dernière époque, excuse leur révolte par leur souffrance. La faction de la misère est enracinée. Caraosius, dans la Grande-Bretagne, Aquilée, en Égypte, furent vaincus, l'un par Constance, l'autre par Dioclétien, après une usurpation plus ou moins longue. Galerius, d'abord défait par les Perses, les défit à son tour. Dioclétien, grand administrateur, homme fin et habile, répara et augmenta les fortifications des frontières, bâtit, à l'aide de ses associés et de ses généraux, les Blémis en Égypte, les Maures en Afrique, les Francs, les Alamans, les Sarmates en Europe. Il sema la division parmi les Goths, les Vandales, les Gépides, les Bourguignons, qui se consumèrent en guerres intestines. Ceux des barbares du Nord que l'on avait fait prisonniers furent ou distribués comme esclaves aux habitants des territoires de Trèves, de Langres, de Cambrai, de Beauvais et de Troyes, ou adoptés comme colons, nommément quelques tribus des Sarmates, de Bastarnes et de Carpiens. Au moment de triompher, le christianisme eut à soutenir une persécution générale. Poussé par Galerius, qui excitait sa mère, adoratrice des dieux des montagnes, Dioclétien assembla un conseil de magistrats et de gens de guerre. Ce conseil fut d'avis de poursuivre les ennemis du culte public. L'empereur envoya consulter Apollon de Milet. Apollon répondit que les justes, répandus sur la terre, l'empêchaient de dire la vérité. La Pythonisse se plaignait d'être muette. Les Aruspices déclarèrent que les justes, dont parlait Apollon, étaient les chrétiens. La persécution fut résolue. On en fixa l'époque à la fête des Terminales, dernier jour de l'année romaine, jour réputé heureux et qui devait mettre fin à la religion de Jésus. Dioclétien et Galerius se trouvaient à Nicodémie. L'attaque commença par la démolition de la basilique bâtie dans cette ville sur une colline et environnée de grands édifices. On y chercha l'idole qu'on n'y trouva point. Le décret d'extermination portait en substance « les églises seront renversées et les livres saints brûlés ». Les chrétiens seront privés de tous honneurs, de toute dignité et condamnés au supplice sans distinction d'ordre et de rang. Ils pourront être poursuivis devant les tribunaux et ne pourront poursuivre personne, pas même en réclamation de vol, réparation d'injures ou d'adultère. les affranchis redeviendront esclaves. C'est toujours par l'effet rétroactif des lois ou par leur déni que les grandes iniquités sociales s'accomplissent. Le refus de justice est sur le point où l'homme se trouve plus éloigné de Dieu. Un édit particulier frappait les évêques, ordonnait de les mettre au fer et de les forcer à abjurer. La persécution, d'abord locale, s'étendit ensuite à toutes les provinces de l'Empire. La maison de l'empereur fut particulièrement tourmentée. Valérie, fille de Dioclétien, et Prisca, sa femme, accusée de christianisme, sacrifièrent. Dorothée, le premier des eunuques, Gorgonius, Pierre, Jude, Mygdonius et Mardonius souffrirent. On mit du sel et du vinaigre dans les plaies de Pierre. Étendues sur un gril, ses chairs furent rôties comme les viandes d'un festin. On jeta pêle-mêle dans les bûchers femmes, enfants et vieillards. D'autres victimes, entassées dans des barques, furent précipités au fond de la mer. La bassesse, comme toujours, se trouva à point nommé pour faire l'apologie du crime. Deux philosophes écrivirent à la lueur des bûchers contre les chrétiens. Le martyr de la légion thébéenne, massacré par ordre de Maximien, est de cette époque. Nantes, dans l'Armorique, se consacra par le sang des deux frères Donatien et Rogatien. Arnob et Lactance défendirent le christianisme. Le dernier nous a peint la mort des persécuteurs et l'extinction de leur race. Licinius, le Galerius et Candidien, son fils. Maximien, avec son fils, âgé de 8 ans, sa fille de 7, sa femme noyée dans l'Oronte, où elle avait fait noyer des chrétiennes. Dioclétien, Valérie et Prisca, fugitives, cachées sous de misérables habits, reconnues, arrêtées, décapitées à Thessalonique et jetées dans la mer. Victimes de la tyrannie de Licinius, elles n'étaient coupables que d'appartenir à un sang maudit. Dioclétien et Maximien étaient venus triompher en Italie, l'un des Égyptiens, l'autre des peuples du Nord. C'est le dernier triomphe authentique qu'ait vu Rome. L'empereur ne descendit du char de sa victoire que pour monter à Nicomédie sur le tribunal de son abdication. Cette scène eut lieu dans une plaine qu'inondait la foule des grands, du peuple et des soldats. Dioclétien déclara qu'ayant besoin de repos, il cédait l'empire à Galerius. En même temps, il indiqua le César qui devait remplacer Galerius, devenu Auguste. C'était Daïa ou Daza Maximin, fils de la sœur de Galerius. Il jeta son manteau de pourpre sur les épaules de ce pâtre, et Dioclétien, redevenu Dioclès, prit le chemin de Salone, sa patrie. Cet homme extraordinaire avait les larmes aux yeux en déposant le pouvoir. Il avait également pleuré lorsque Galerius, dans un entretien secret, lui signifia qu'il prétendait être le maître, et que si lui, Dioclétien, ne voulait pas s'éloigner, lui, Galerius, l'y saurait contraindre. D'autres ont écrit que Dioclétien renonça au trône par mépris des grandeurs humaines. Soit que ce prince ait quitté l'empire de gré ou de force, avec courage ou faiblesse, sa retraite à Salone a donné à sa vie un caractère de philosophie qui fait aujourd'hui sa principale renommée. Dioclétien habitait au bord de la mer une maison de campagne que Constantin le Grand dit avoir été simple et que Constantin Porphyrogénète a cru magnifique. Maximien Hercule se dépouilla de l'autorité souveraine à Milan en faveur de Constance Chlore et nomma César Valerius Sévère, obscur favori de Galerius, le même jour que Dioclétien accomplissait son sacrifice à Nicomédie. Maximien, ayant dans la suite ressaisi la pourpre, fit inviter Dioclétien à suivre son exemple. Dioclétien répondit « Je voudrais que vous vissiez les beaux choux que j'ai plantés, vous ne me parleriez plus de l'Empire. » Parole démentie par des regrets. Pendant les 9 années que Dioclétien vécut à Salone, sa femme et sa fille périrent misérablement, il ne put les sauver. Obligé qu'il fut alors de reconnaître l'impuissance d'un prince auquel il ne reste d'autorité que celle des larmes. Menacé par Constantin et Licinius, peut-être même par le Sénat, il résolut d'abréger sa vie. On est incertain du genre de sa mort, on parle de poison, d'abstinence, de mélancolie. L'empereur, sans empire, ne dormait plus, ne mangeait plus, il soupirait, il gémissait. Saint Jérôme laisse entendre qu'avant d'expirer, il vomit sa langue, rongée de vers. La philosophie fut aussi inutile à Dioclétien pour mourir que la religion à Charles Quint. Tous deux eurent des remords d'avoir abandonné le pouvoir, le premier sur son lit et sur la terre, où il se roulait au milieu de ses larmes, le second au fond du cercueil, où il se plaça pour assister à la représentation de ses funérailles. Dioclétien multiplia les impôts. Il couvrit l'empire de monuments onéreux qu'il faisait souvent abattre et recommencer sur un plan nouveau. La Providence a voulu qu'une salle des thermes du persécuteur des chrétiens soit devenue à Rome l'église de Notre-Dame des Anges. Dans le cloître, jadis vaste cimetière de cet édifice, l'espace se trouve aujourd'hui trop grand pour la mort. Un petit retranchement pratiqué au pied de 3 ou 4 colonnes suffit au tombeau diminuant de quelques chartreux qui finissent aussi et qui, dans leur abdication du monde, ne regrettent rien de la terre. Les faits sont comme il suit après l'abdication de Dioclétien. Constance gouvernait les Gaules, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Il était doux, juste, tolérant envers les chrétiens, ici dénués de fortune, qu'il était obligé d'emprunter de l'argenterie lorsqu'il donnait un festin. Suidas l'appelle Constance le Pauvre, un des plus beaux surnoms que jamais prince absolu ait porté. Il eut d'Hélène, fille d'un hôtelier, sa femme légitime ou sa concubine, Constantin le Grand, et de Théodora, fille de la femme de Maximin Hercule, 3 fils et 3 garçons. On le força de répudier Hélène comme étant d'une naissance trop inférieure. Constantin avait alors 18 ans. Entraîné dans l'humiliation de sa mère, il fut attaché à Dioclétien et porta les armes en Égypte et dans la Perse. Galerius, jaloux de la faveur dont le fils de Constance jouissait auprès des soldats, se voulut défaire de lui en l'excitant à se battre, d'abord contre un sarmate, ensuite contre un lion. Constantin sortit heureusement de ses épreuves, se déroba par la fuite au complot de Galerius. Afin de n'être pas poursuivi, il fit couper de poste en poste les jarrets des chevaux dont il s'était servi. Il rejoignit son père à Boulogne, au moment où celui-ci, vainqueur de Carausius, s'embarquait pour la Grande-Bretagne. Constance mourut à York. Les légions, par un dernier essai de leur puissance, sans attendre l'élection du palais, proclamèrent Constantin empereur au nom des vertus de son père. Galerius n'accorda à Constantin que le titre de César, conférant à Valère celui d'Auguste. Galerius avait ordonné un recensement des propriétés afin d'asseoir une taxe générale sur les terres et sur les personnes. Il y voulut soumettre l'Italie. Rome se soulève, appelle à la pourpre Maxence, gendre de Galerius et fils de Maximien Hercule. Le vieil empereur abdiqué sort de sa retraite, se joint à son fils. Sévère, réfugié dans Ravenne, qu'il rend par capitulation à Maximien Hercule, est condamné à mort et se fait ouvrir les veines. Maximien s'allie avec Constantin, lui donne Fausta, sa fille, en mariage et le nomme Auguste. Galerius fond sur l'Italie avec une armée. Parvenu jusqu'à Narni et forcé de retourner en arrière, il élève Licinius, son ancien compagnon d'armes, au rang d'où la mort avait précipité Sévère. Maximin d'Aïa, le César qui gouvernait l'Égypte et la Syrie, enflammé de jalousie, se décore aussi de la dignité d'Auguste. 6 empereurs, ce qui ne s'était jamais vu et ce qui ne se revit jamais, règnent à la fois. Constantin, Maxence et Maximien en Occident, Licinius, Maximin et Galerius en Orient. La discorde éclate entre Maximien Hercule et Maxence, son fils. Maximien se retire en Illyrie, ensuite dans les Gaules, auprès de Constantin, son gendre. Il conspire contre lui et, sur une fausse nouvelle de la mort de ce prince, s'empare d'un trésor déposé dans la ville d'Arles. Constantin, occupé au bord du Rhin à repousser un corps de Francs, revient, assiège son beau-père dans Marseille, le prend et condamne à mort un vieillard dont l'ambition était tombée en enfance. Galerius meurt à Sardique d'une maladie dégoûtante, attribué par les chrétiens à la vengeance céleste. Galerius avait été le véritable auteur de la persécution. Maximin d'Aïa et Licinius se partagent ses états. Licinius fait alliance avec Constantin, Maximin avec Maxence. Constantin, vainqueur des Francs et des Alamans, livre leur prince aux bêtes dans l'amphithéâtre de Trèves. Maxence, oppresseur de l'Afrique et de l'Italie, invente le don gratuit que les rois et les seigneurs féodaux exigèrent dans la suite pour une victoire, une naissance, un mariage et pour l'admission de leur fils à l'ordre de chevalerie. Sous les Romains, il s'agissait du consulat du jeune prince. Maxence immole les sénateurs et déshonore leurs femmes. Sophronie, chrétienne et femme du préfet de Rome, se poignarde afin de lui échapper. Maxence médite d'envahir la Gaule. Constantin, décidé à prévenir son ennemi, voit dans les airs le Labarum et commence à s'instruire de la foi. Maxence avait rétabli les prétoriens. Son armée se composait de 170 000 fantassins et de 18 000 cavaliers. Constantin ne craignit point d'attaquer Maxence avec 40 000 vieux soldats. Il passe les Alpes cottiennes sur une de ces voies indestructibles qui n'existaient pas du temps d'Hannibal. Il emporte Suse d'assaut, défait un corps de cavalerie pesante aux environs de Turin, un autre à Bresse. Vérone capitule, la garnison captive est liée des chaînes forgées avec les épées des vaincus. Constantin marche à Rome et gagne la bataille où Maxence perd l'empire et la vie. Cette bataille est du petit nombre de celles qui, expression matérielle de la lutte des opinions, deviennent non un simple fait de guerre, mais une véritable révolution. Deux cultes et deux mondes se rencontrèrent au point Milvius. Deux religions se trouvèrent en présence, les armes à la main, au bord du Tibre, à la vue du Capitole. Maxence interrogeait les livres sibyllins, sacrifiait des lions, faisait éventrer des femmes grosses pour fouiller dans le sein des enfants arrachés aux entrailles maternelles. On supposait que des cœurs qui n'avaient pas encore palpité ne pouvaient receler aucune imposture. Constantin, dans son camp, se contentait de dire ce qu'on grava sur son arc de triomphe qu'il arrivait par l'impulsion de la divinité et la grandeur de son génie. Les anciens dieux du Janicule rangèrent autour de leurs autels les légions qu'ils avaient envoyées à la conquête de l'univers. En face de ces soldats étaient ceux du Christ. Le Labarum domina les aigles, et la terre de Saturne vit régner celui qui prêcha sur la montagne. Le temps et le genre humain avaient fait un pas. 6 mois après la victoire de Constantin, Maximin d'Aïa voulut enlever à Licinius la partie de l'empire qu'il gouvernait. Vaincu auprès d'Héraclée, il alla mourir à Nicomédie. Des 6 empereurs, il ne restait plus que Constantin et Licinius. Ceux-ci se brouillèrent. Une première guerre civile, suivie d'une seconde, amenèrent les batailles de Cybalis, de Mardi, d'Andrinople et de Chrysopolis, où Constantin fut heureux. Licinius, resté aux mains du vainqueur, fut exilé à Thessalonique. Quelque temps après, on lui demanda sa tête, sous prétexte d'une conspiration ourdie par lui dans les fers. Ce moyen de crime, si souvent reproduit dans l'histoire, accuse de stérilité les inventions de la tyrannie. Constantin demeurait en possession du monde, résolu vers la fin de sa vie de donner une seconde capitale à ses états. Constantinople s'éleva sur l'emplacement de Byzance au nom de Jésus-Christ, comme Rome s'était élevée sur les chaumières d'Évandre au nom de Jupiter. Le fondateur de l'Empire chrétien déclara qu'il bâtissait la nouvelle cité par l'ordre de Dieu. Il racontait qu'endormi sous les murs de Byzance, il avait vu dans un songe une femme, accablée d'ans et d'infirmités, se changer en une jeune fille brillante de santé et de grâce, laquelle il lui semblait revêtir des ornements impériaux. Constantin, interprétant ce songe, obéit à l'avertissement du ciel. Armé d'une lance, il conduit lui-même les ouvriers qui traçaient l'enceinte de la ville. On lui fait observer que l'espace déjà parcouru était immense. « Je suis, répondit-il, le guide invisible qui marche devant moi. Je ne m'arrêterai que quand il s'arrêtera. » La cité naissante fut embellie de la dépouille de la Grèce et de l'Asie. On y transporta les idoles des dieux morts et les statues des grands hommes qui ne meurent pas comme les dieux. La vieille métropole paya surtout son tribut à sa jeune rivale, ce qui fait dire à saint Jérôme que Constantinople s'était parée de la nudité des autres villes. Les familles sénatoriales et équestres furent appelées des rivages du Tibre à ceux du Bosphore pour y trouver des palais semblables à ceux qu'elles abandonnaient. Constantin éleva l'église des apôtres, qui 20 ans après sa dédicace était tombante, et Constance bâtit Sainte-Sophie, plus célèbre par son nom que par sa beauté. L'Égypte demeura chargée de nourrir la nouvelle Rome aux dépens de l'ancienne. Il y a des jugements que les historiens répètent sans examen. Vous aurez souvent lu que Constantin avait hâté la chute de la puissance des Césars en détruisant l'unité de leur siège. C'est au contraire la fondation de Constantinople qui a prolongé, jusque dans les siècles modernes, l'existence romaine. Rome, demeurée seule métropole, n'en eût pas été mieux défendue. L'Empire se serait écroulé avec elle lorsqu'elle succomba sous Alaric, si la nouvelle capitale n'eût formé une seconde tête à cet empire, tête qui n'a été abattue que plus de 1000 ans après la première par le glaive de Mahomet II. Mais ce qui fut favorable à la durée du pouvoir temporel, tel que le créa Constantin, devint contraire au pouvoir spirituel dont il se déclara le protecteur. Fixé dans l'Occident, sous l'influence de la gravité latine et du bon sens des races germaniques, les empereurs ne seraient point entrés dans les subtilités de l'esprit grec. Moins d'hérésie aurait ensanglanté le monde et l'Église, Constantinople naquit chrétienne, elle n'eut point, comme Rome, à renier son ancien culte, mais elle défigura l'autel que Constantin lui avait donné. Fin de la section 29.